les archives, elles viennent à moi. Je les cherche pas. Alors des fois je les cherche, c'est-à-dire il y a des gens, ils me contactent, ils me disent oh, j'ai des archives. Puis après des fois il y en a qui veulent les monnayer. Ou des fois les gens ils ont du mal à se débarrasser de leurs archives, ou si c'est par exemple des journaux intimes de leurs parents, et des fois il faut des années, il faut que la confiance s'installe, qu'ils viennent régulièrement, que j'aille chez eux, etc. Donc des fois il y a des gens ils veulent se débarrasser des archives, des fois je les veux pas non plus parce que pour diverses raisons, mais voilà, il y a différents cas de figure, et puis des fois je les renvoie vers les archives départementales aussi. Quand le citoyen lambda y a accès, on s'est acharné à ces archives. Oui, mais tout le monde a accès aux archives. Après pour le café Antoinette, j'ai des choses numériques. Je suis en contact actuellement avec le fils de l'agent double. Mais alors l'agent double, c'est un type qui vient de l'Empire austro-hongrois, qui a fait une école militaire à 6 ans, qui a fait la guerre 14-18, qui a été arrêté pour escroquerie en France, qui a été agent double, et son fils pense qu'il était espion après la guerre. Donc voilà, j'ai des archives de lui, mais je pense que j'ai pas tout. Il faut écrire un roman, là. Corinne d'abord, ensuite Jacqueline Lelouette. Est-ce que dans les cafés qui étaient choisis par les Allemands, qui étaient devenus des cafés allemands, entre guillemets, au moment de la libération, ils ont été considérés comme des cafés collabos, point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont passés dans l'épuration de la commission, je ne sais plus comment elle s'appelle, la CRI, enfin, économique, la commission régionale Alors, je ne connais pas bien ce sujet, je ne peux pas vraiment en parler, mais là, je crois que c'est au coup par coup. En fait, est-ce qu'il y a vraiment des cafés réquisitionnés par les Allemands? Alors, c'est marrant, ce café Antoinette, là, pour y revenir, c'est qu'à la base, il était interdit aux Allemands. Le gouverneur de Lyon, quand il est revenu en novembre 1942, il a dit « ce café est interdit aux Allemands ». Et c'est a priori l'agent double qui a fait en sorte que ça devienne autorisé aux Allemands, puisque comme ils avaient déjà le réseau de renseignement dans ce café, ils se sont dit que ça allait être utile. Après, l'épuration, je crois que c'est... Je connais surtout l'épuration individuelle des individus, donc s'il y a des patrons qui ont clairement été dans la collaboration, oui, mais si les lieux sont réquisitionnés sans le vouloir, par exemple le lieu où je travaille... qui était une école de médecine militaire, bon, ça a été réquisitionné, ils n'ont pas eu le choix. Quoi. Donc je pense pas que les... Ça dépend de leur conduite aussi. C'est une déclaration qui passe par les entreprises, qui s'occupe des entreprises. Donc là, il y a eu tous les travaux de Florent Beauvau, etc., on pourra en parler. C'est très, très particulier, et après, effectivement, on calcule des profits illicites ou non. Enfin bon, voilà. Jacqueline Lelouette. Oui, c'est à propos de la communication de Gaël Charcoset et de la caricature ou du dessin qui a été montré en dernier. En fait, ça renvoie. Enfin, l'âne qui porte des chargés de reliques, c'est une fable de La Fontaine. C'est une fable de La Fontaine dont déjà je comprends. Bon, c'est l'âne est chargé de reliques, tout le monde s'incline et il croit que c'est lui qu'on adore et non pas les reliques. J'ai du mal à comprendre la morale de cette fable d'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue, je comprends pas. Oui, on salue la robe, oui. Mais la robe c'est celle du curé. Oui, mais j'ai pas bien vu les deux personnages sur le dessin, je vois pas très bien ce que représente le deuxième personnage. C'est justement le sujet de l'article dans le Parlement qui vient de sortir, c'est ça? Exact. Ah, donc c'est dans le dernier numéro de Parlement. C'est le dernier numéro de Parlement, l'âne chargé de reliques, c'est l'article de Gaël Charcoset. Donc voilà, donc c'est disponible sur carte. Et cette fable a quand même engendré beaucoup de dessins et de caricatures. Il y a eu une caricature dans le Charivari à propos de cette âne chargée de reliques. Granville a illustré, donc il y a un dessin de Granville qui est très connu, et il y a toute une série de dessins de caricatures autour de cette âne. J'ai essayé de retracer ces dessins-là pour voir s'il y avait une inspiration par rapport à ce dessin en particulier, et je n'ai pas trouvé le... D'accord. Et puis alors, pour la franc-maçonnerie, ce qu'on dit classiquement maintenant pour la franc-maçonnerie, y compris pour l'entre-deux-guerres, y compris avant, c'est que la franc-maçonnerie est une société discrète et non pas secrète. Et en fait, ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ce qui se passe dans les loges et de divulguer le contenu des planches, c'est, etc. C'est une terminologie société secrète, c'est la terminologie employée par le régime de Vichy. Oui, mais même avant. Ça fait longtemps que la maçonnerie dit qu'elle est discrète et non pas secrète. On prend une dernière question de Laurent Bille et puis ensuite on passe aux conclusions. C'est bien la première fois que je vais laisser quelqu'un d'autre interroger sur la caricature et moi parler des bistrots. Donc j'aurais voulu savoir derrière cette caricature si en fait vous aviez trouvé le cas aussi dans le fichage de vos profils identifiés des cas d'anticléricalisme. Non pas visuel, mais des cas de notification anticléricale ou d'acte anticlérical chez ces cafetiers. Et la deuxième chose, j'aurais voulu savoir si vous aviez aussi mention de ces cafés comme étant les lieux de lecture ou de réception d'un certain type de presse. En fait, tout ce qui concerne la lecture, ça m'aurait beaucoup intéressé parce que là, on aurait une connaissance plus fine des idées qui circulent et je n'ai trouvé aucune information parmi... Mais mon campus est très limité, il faut qu'il soit non seulement cabaretier, mais en plus que ce conseiller municipal. Donc ça resserre quand même sérieusement le nombre. Et je n'ai pas retrouvé ce type d'information. J'ai cherché en série T, j'ai cherché en série V pour l'anticléricalisme, j'ai cherché dans la justice correctionnelle, j'ai cherché justice de paix. Je n'ai rien trouvé en termes de saisie ou autre. Fallait tenter, quoi. J'ai tenté, mais certainement qu'il y a d'autres choses qui m'ont échappé. Non, mais comme vous dites, le corpus étant restreint... Voilà. Alors, pour l'anticléricalisme, j'ai celle-ci. J'ai le cas inverse. Hein. J'ai une campagne d'affiches apposées, qui manifestement, ce sont des affiches apposées après la sortie des cabarets de nuit, etc., à Ouroux, où on fait allusion à l'assassinat, comme quand on assassine jusque sous le nez des gendarmes, et à cette occasion, le côté inverse, c'est l'âne municipale, et cette fois-ci, il est bien bête le curé d'accepter qu'on occupe une partie de sa sacristie, donc on prend le parti du curé, d'accord. Contrairement à celle-ci, et à ce moment-là, comme par hasard, le fils du fabricien ou le coup de 1848 est un moment soupçonné d'avoir participé. Ça veut dire qu'il y a trace de caricatures indigènes en milieu rural dans... Alors, deux caricatures et d'écrits apposés de nuit, oui. Alors là, j'ai ces deux-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais comme je me suis concentrée sur quelques communes et sur un sujet, les outrages à fonctionnaires municipaux, je pense notamment que dans la justice, il y a d'autres choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.